J'espère t'as apprécié l'atmosphère mêlée. C'est un groupe qui te met bien, Enson et MD. J'espère t'as apprécié l'atmosphère mêlée. C'est un groupe qui te met bien, Enson et MD. J'espère t'as apprécié, apprécié. C'est un groupe qui te met bien. Apprécier l'atmosphère mêlée, c'est un groupe qui te met bien grâce à ses mélodies. J'espère t'as apprécié l'atmosphère mêlée, c'est un groupe qui te met bien grâce à ses mélodies. J'espère t'as apprécié, apprécié, c'est un groupe qui te met bien, te met bien. J'espère apprécier l'atmosphère mêlée, c'est un groupe animé par l'amour de Jésus-Christ. J'espère t'as apprécié l'atmosphère mêlée, c'est un groupe animé par l'amour de Jésus-Christ. J'espère t'as apprécié l'atmosphère mêlée, c'est un groupe qui te met bien sur ses mélodies.